Voici venue l'heure de votre message sur les ondes de Radio Évangile Martinique. Nous vous souhaitons une excellente écoute. La bonne nouvelle sur la bande FM, c'est REM. Actes des Apôtres, au chapitre 8, et au verset 1, et on lira seulement 4 versets. Ça change de la semaine dernière, hein ?